Tic, tic, tic, tic, fit Bianchon, en faisant claquer sa lampe contre son palais, comme pour exciter un cheval. Tournure de duc et pair, dit Madame Vauquet. Monsieur va en conquête, fit observer Mademoiselle Michonneau. Coquerico, cria le peintre. Mes compliments à Madame votre épouse, dit l'employé au muséum. Monsieur a une épouse? Demanda Poiré. Une épouse à compartiment, qui va sur l'eau, garantie bon teint, dans les prix de 25 à 40, dessin à carreaux du dernier goût, susceptible de se laver, d'un joli portier, moitié fil, moitié coton, moitié laine, guérissant le mal de dents et autres maladies, approuvée par l'Académie royale de médecine. Excellente d'ailleurs pour les enfants. Meilleure encore contre les maux de tête, les plénitudes et autres maladies de l'œsophage, des yeux et des oreilles, cria Vautrin avec la volubilité comique et l'accentuation d'un opérateur. Mais combien cette merveille, me direz-vous, messieurs? Dessous? Non, rien du tout. C'est un rail des fournitures faites aux grands moguls et que tous les souverains de l'Europe, y compris le grand duc de Bade, ont voulu voir. Entrez droit devant vous et passez au petit bureau. Allez, la musique. Broum la latrine, la boum boum boum. Monsieur de la clarinette, tu joues faux, reprit-il d'une voix enrouée. Je te donnerai sur les doigts. Mon Dieu, que cet homme-là est agréable, dit Madame Vauquet à Madame Couture. Je ne m'ennuierai jamais avec lui.